Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Label Rock. Sébastien Agace aux commandes. Premier podcast pour cette nouvelle année. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter tous mes meilleurs vœux. Que 2012 vous apporte bonheur et santé, le tout rythmé en musique, bien évidemment. Alors on va commencer cette première de l'année avec du cool pour commencer. Après on enchaînera rapidement avec quelques morceaux orientés plutôt du côté du jazz. Et puis on aura évidemment quelques titres de pop rock. Et on finira ce premier podcast de 2012 avec une large couleur électro. Histoire de se mettre en jambes dès ce début janvier, retrouver la forme et peut-être perdre ces quelques kilos de trop qui se sont entassés au cours des fêtes de fin d'année. Donc assez parlé, place à la musique tout de suite et départ direction Londres en Angleterre avec un nouveau groupe du nom de Bronze Medalist, quatre jeunes musiciens qui ont sorti un single sur le label Type Club Records. On s'écoute la face A, un titre qui s'appelle Mathematics. I wish love was mathematic. Straightforward input, process output. I'd write down AMB for you and me. Predict finite trajectories. I thought love was understanding, empathy and compromising. I'd write down A and B for you and me, predict finite trajectories. And I know that there's no form you love, no calculus or algebra. début tout en douceur dans la Belle Rock avec les londoniens de bronze médalistes pour commencer, suivi à l'instant du projet Promise and the Monster. C'est le projet de la suédoise Billy Lindahl avec une ambiance folk gothique sur ce titre Swim tiré de son deuxième album. L'album s'appelle Red Tide et il est disponible depuis quelques semaines sur le label suédois toujours Imperial Recordings. On va continuer ce programme la Belle Rock en rajoutant maintenant une teinte de jazz grâce à un extrait de l'album Soft Pack de Rude Hagelstein et ses Noblets. C'est sur le label Souvenir Music. Assurément un des albums que j'ai le plus écouté en cette fin d'année 2011, un magnifique objet rempli de mélancolie à consonance electronica, jazz et folk. C'est calme et franchement, pour débuter ce programme, c'est tout simplement idéal. La Belle Rock. Gotta be strong. Le son de Rude Hagelstein et ses Noblets, je vous rappelle, l'album s'appelle Soft Pack sur le label allemand Souvenir Music. On va rester dans cette ambiance jazz, on reste dans le show et on monte d'un ton. Vous écoutez Label Rock avec le son de Jazzanova, remixé par le producteur Adjazz. Rock, jazz, funk, pop, soul. Label Rock. Les Allemands de Jazzanova, remixé par le producteur Adjazz sur ce titre Dance the Dance. Jazzanova, on le sait, hein, qui sont adeptes d'un son jazz à consonance latine, comme ils l'ont maintes fois démontré, notamment dans leur compilation pour le label Compost. Alors quoi de plus normal maintenant, dans cette émission, d'enchaîner avec une nouveauté brésilienne. Elle s'appelle Sabrina Maleros, elle nous vient de Sao Paulo et elle a sorti son quatrième album qui s'intitule Morning. Un extrait tout de suite dans la Bell Rock, ça s'appelle Bobeira. Trago a minha dor. le son chaud en provenance du Brésil, de la mégapole incroyable de Sao Paulo, là où les riches côtoient les favelas, là où la belle Sabrina Maleros trouve son inspiration pour nous cajoler les oreilles avec ses douces mélodies. C'est le cas avec ce titre qu'on vient de s'écouter qui s'appelle Bobera. Je vous rappelle, l'album s'appelle Morning. Il est disponible dès à présent sur le label Far Out Recordings. Avis aux amateurs de Bossa Nova. On continue dans Label Rock, toujours dans cet esprit, avec un titre dont la mélodie devrait ravir tous les amateurs de foot qui se couchent tard chaque dimanche soir en matant l'émission L'équipe du dimanche sur une célèbre chaîne de télé cryptée. I see this kind of psychedelic woman for some nightclub, and I ask her, say, say, sir, mean say the shoe way you get that kind of tall bottom. Now one, then cat, mean say that dress way woman they wear, where they see all them legs. Anyway, ask for me, I say, that one, then they call her meaning. Going on, he say, then, mean all the ambient and lipstick them way. They make woman in big shine like silver. And last of all, lick means say woman way ready at any time to go anywhere. In fact, this one be, then you be some papa. So, I will sing some song just now when you all go here. Well, I say hey, psychedelic woman. Apollo, he go for Lido, psychedelic woman, you wonderful. We'll be right back. Deux classiques pour le prix d'un dans cette émission Label Rock avec le remix de Bonobo du psychedelic Woman Donny The Beast Band, suivi à l'instant du titre Hot Music de So. Une tuerie, hein, franchement, sortie en 1989, si mes souvenirs sont bons. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'en allant sur le site de l'émission, vous retrouverez tous les tracklistings des morceaux joués, avec en prime des liens directs sur les sites internet des artistes ou des labels concernés. L'adresse, encore une fois, c'est http://labelrock.blogspot.com. http://labelrock.blogspot.com. Does he have to please you? Psychic. La pop à l'honneur dans la Belle Rock avec les quatre Montpelliérains de Chase pour commencer, suivi à l'instant des demoiselles anglaises de Tender Trap. C'est sur le label Fortuna Pop. Alors c'est dans un style pop anglaise, hein, toujours bricolé avec peu d'argent, mais franchement moi ça me file toujours la pêche et ça me met toujours du baume au cœur. Et je sais pas vous, mais moi quand le temps est gris comme ça en début d'année, franchement je trouve que c'est parfait. Champion sound. Wanna find my girl? Love will be amazing. European sound. Deux groupes qui ont explosé l'an dernier. Le premier groupe est américain, il s'appelle Veronica Falls. Ce sont en fait deux garçons et deux filles qui ont, à mon avis, sorti un des meilleurs albums de 2011. Beaucoup d'influences dessus, hein, allant des Breeders, par exemple, sur ce titre qu'on vient de s'écouter, Stephen. Mais aussi, on pense aux Phillies, on pense à Lush, souvenez-vous, Jesus and Mary Chain. Enfin bref, si vous ne les connaissez pas encore et que vous aimez la pop indé américaine, n'hésitez pas à vous le procurer, cet album. Et puis, à l'instant, les Crystal Fighters qui, décidément, single après single, réussissent toujours à me convaincre. Et c'est pas le petit dernier qui me fera changer d'avis. Hein. La preuve, il intègre directement la playlist de Label Rock. Le single s'appelle donc Champion Sound. Et souvenez-vous, ce groupe qui s'appelle Crystal Fighters, groupe moitié anglais, moitié espagnol, il me semble. Voilà. Allez, on va continuer cette émission avec quelques gémissements assez suggestifs. Sur une double compilation intitulée Metal, Dance, Industrial, Post-Punk, IBM, Classics and Rarities, des titres qui datent de 80 à 88, une compilation signée par Trevor Jackson. La compilation qui sortira le 22 février prochain. Voilà, 22, je suis en train de regarder sur le communiqué de presse, c'est ça. 22 février prochain, ça sortira chez Strut Records, distribué en France évidemment par La Baleine. Dessus, ben 27 classiques, hein, tout simplement revisités, dont celui-ci qu'on s'écoute tout de suite là en dessous de moi, signé par SPK. Ça s'appelle Metal Dance, ça donne d'ailleurs donc son nom à cette excellente compilation. We'll be right back. Metal Dance, titre du morceau qu'on vient de s'écouter, morceau phare et nom de la compilation, donc apparaître chez Strut. Je vous rappelle, ça s'appelle Metal Dance, ça sortira le 22 février prochain du côté de chez La Baleine. On va laisser le métal, on va laisser la dance, on va partir maintenant au pays où les nuits sont très longues, un pays dont l'ambassadeur le plus connu est sans aucun doute le Père Noël. Et oui, on part en Finlande, partons à la rencontre tout de suite donc de l'artiste Matti Pentikäinen et de son projet TIFF. What's your name? rub-a-dub, all wide word. Boom. Rub-a-dub, all wide word. The song I would sing is not about the war, not about the drugs, and not about the star. The story I will tell you, it's about the style of song. That style of song come from the underground. This is the rub-a-dub anthem. The rub-a-dub anthem. The rub-a-dub anthem. To your family, your crew, and your friends. Cause rub-a-dub is the style with the microphone chanter. Following the bass under the down pressure. The kick give me the tempo, the hit and follow me. Yes, the skunk make me move and give me energy. So move your dancing feet and your body. This is not a wicked joke, this is reality. Show me your favorite stance you use in a dance. All over the world and even in our friends. This is the rubber dog. From Daddy Uroy to KRS-One. It's from Rub-A-Dub, the rub and the dub. The flow, the techniques, the art of the talk. Rub-A-Dub, inna di not, inna di so, da tell you Rub-A-Dub. Rub-A-Dub, all wide word. Rub-A-Dub, all wide word. Rub-A-Dub, inna di not, inna di so, da tell you Rub-A-Dub. Inna the east, inna the west. Rub-a-dub, all wide word. Boom. Rub-a-dub, all wide word. Following the bass under the jump down pressure. The kick give me the tempo, the hit had follow me. Yes, the skunk make me move and give me energy. So move your dancing feet and your body. This is not a wicked joke, this is reality. Show me your favorite stance to use in a dance. All over the world and even in our friends. This is the rubber dog and them. The rubber dog. Rock, jazz, funk, pop, soul. Label Rock. Oh, label. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when they hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit the tamper. In the digging that young sister beacon. The bitch who wants to compete. And I can freak a fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weeping. I just wanna sip that punch with your peeps. And sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get my thumb in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And flip that tongue to deepen. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. Listen to 212, I'm the uptown, hey nigga, you know what's up or don't you? Worker who made ya, I'm a rude bitch nigga, what are you made up of? I'ma eat your food up, boo, I could bust your eight, I'ma do 212, fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga, but you do 212, fuck. Fuck em like you do 212, come, you gated, get discovered, I'm a 212 deuce cock, a lickin' in the water by the blue bayou, caught the warm goose, and you do rag too, son? Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it, wonder who let you come to 212, what you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were 2-1. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the 1-2 day, I'm the new ship, the young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. Ayo, ayo. onesie, fuck your gun too. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a match, you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your card and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too, where you do eat coon, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What you want to when I appear? When I prepare, bitch, the end of your life is there. The ship is mine, mine. What you gonna do when I appear? When I prepare, bitch, the end of your life is there. The ship is mine, mine. The ship is mine, mine. Du très bon son dans Label Rock avec l'électro glacial tout en apesanteur, signé par le Finlandais Tiff. Le single s'appelle Shouty. Et puis au milieu, saucissonné donc entre la Finlande et les États-Unis, le reggae roots de Dub Addict et de Hightone pour le compte du label lyonnais Jarring Effect, disponible sur leur toute dernière compilation qui était sortie fin 2011. Et puis à l'instant, l'excellent titre de la rappeuse américaine, elle s'appelle Azealia Banks, elle a 20 ans, elle vient du quartier d'Harlem à New York. Elle s'est fait connaître en 2011 et devrait exploser cette année avec la sortie prévue de son premier album. Sonic ambush while my words produit par le Hollandais Enai avec en featuring le MC DRS. C'était dans Label Rock le titre Obsession, du lourd, hein, vous l'aurez compris, du très lourd même dans ce programme. Et c'est pas fini car on reste sur la piste de danse avec l'ami Alan Fitzpatrick. Pas de drum and bass, mais retour aux valeurs sûres avec de la bonne techno comme j'aime, c'est-à-dire puissante et mélodieuse à souhait. Alan Fitzpatrick, tout de suite, ça s'appelle Bliss. Montez le son et faites-vous plaisir. Thank you. Amateur de sensations fortes, cette série est décidément pour vous. Alan Fitzpatrick, le producteur anglais qui fait des siennes une fois de plus avec ce titre Bliss. Un titre qui porte bien son nom puisque ce mot anglais, Bliss, signifie en français extase. Je sais pas vous, mais pour moi, pas de souci. Je suis PA. Je suis conquis. Je suis en extase. Et ce n'est pas le prochain disque qui risque de me faire redescendre, puisqu'encore une fois, on va s'écouter, on va continuer dans le lourd avec le retour du projet légendaire de Kevin Sanderson, Inner City. 10 ans qu'on l'attend, ce bon vieux pépère Kevin Sanderson. Le voici, le revoilà, le maître de la techno made in Détroit avec un single intitulé Future. Comme une bonne nouvelle en cache souvent une autre, on retrouve au remix une autre légende en la personne du trop rare Kevin Larkin. Alors là, montez encore un petit peu plus le son, faites péter les enceintes et écoutez le résultat. Ça s'appelle Future, c'est signé par Inner City, c'est disponible sur le label Defected et c'est tout de suite dans Label Rock. On approche de la fin de cette émission première de l'année 2012. Juste le temps de se jouer encore trois petites tueries. Inner City à l'instant, donc Future, le grand retour de Kevin Sanderson, remixé pour l'occasion par Kenny Larkin. Je vous le disais, on va se quitter dans quelques instants. On se joue encore donc trois petites tueries, comme je vous disais. La première est anglaise, elle est signée par London Electricity, avec un petit clin d'œil à Stevie Wonder, au moins dans le titre, puisque ça s'appelle Song in the Key of Knife. London Electricity, Song in the Key of Knife, avec une magnifique partie de flûte. C'est pas souvent qu'on s'écoute de la flûte dans cette émission, franchement ça fait du bien. Et puis à l'instant, Apache, signé par le jeune producteur anglais Chip Wickham. Je vous en ai parlé dans le dernier podcast hein, en 2011. Je vous précisais que cet anglais enregistre pour plusieurs labels, dont le label anglais Freestyle Records, mais aussi Love Monk en Espagne. Et il va même au Japon enregistrer sous le label Rip Curl. Alors, il était basé à Brighton, hein, dans le sud de l'Angleterre, et il vit désormais en Espagne, à Madrid. Bah oui, il a tout compris. Il y en a marre de la pluie. Ce qu'il veut, c'est du soleil, Chip Wickham. Avec de la musique funky, c'est ça qu'il veut. Toujours le groove, le groove, le groove. Toujours le groove dans cette émission. Et avec du groove, c'est comme ça qu'on va terminer cette émission Label Rock, la première de l'année 2012. On va se quitter avec un magnifique remix de l'anglais Mickey Moonlight, d'un titre des Français qui s'appelle Acid Washed. C'est le nom du morceau, c'est aussi le nom du groupe, remixé donc par Mickey Moonlight. J'en profite une nouvelle fois pour vous souhaiter beaucoup de bonheur pour 2012, en espérant que cette nouvelle année vous apporte succès et joie dans toutes vos entreprises. Profitez-en bien, et puis comme d'habitude, soyez sages, mais pas trop. Ciao ciao, c'était Sébastien, c'était Label Rock, à très bientôt. Goodbye. Label Rock, 2 heures de son pas comme les autres.